بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نقطة سوداء. Dans ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام nous informe que si le croyant vient à commettre un péché, une tache noire vient se placer sur son cœur. S'il cesse de désobéir, implore le pardon d'Allah et se repent, cette tache disparaît de son cœur. Et s'il persiste dans son péché, cette tache augmente de volume jusqu'à couvrir totalement son cœur. Il s'agit du ran qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans sa parole. Ce qu'ils ont commis a couvert leur cœur. C'est-à-dire que les péchés et les transgressions qu'ils ont commis ont couvert leur cœur. Ce hadith montre clairement que les péchés ont des effets sur la personne. Ils ont des conséquences sur son cœur et sur son corps, dans ce bas monde et aussi fil akhira, dans l'au-delà. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans son livre Dawa, a traité le sujet des maladies, des péchés et de leurs remèdes. Il a cité que les désobéissances touchaient les cœurs comme les maladies touchaient les corps. Elles ont des effets néfastes sur l'individu et sur la société également. Vous n'avez qu'à voir combien de familles souffrent à cause de malheurs liés au péché. Peut-être que chacun d'entre nous a des exemples autour de soi. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah wa ta'ala, dans son livre Bada' al-Fawaid, a comparé les péchés à un plat délicieux et appétissant, mais qui est empoisonné. Ce plat va t'attirer, mais sache que si tu le goûtes, tu goûteras également les conséquences du poison. On peut citer aussi l'exemple de ceux qui ont des démangeaisons de la peau. Parfois, certains ont trop envie de se gratter, mais c'est quelque chose qui n'est pas bon pour eux. Et même si se gratter va calmer, va faire du bien un petit moment, cela est passager. Après, cela peut provoquer des lésions de grattage qui risquent de s'infecter. Et ça, c'est quelque chose que connaissent bien ceux qui ont des maladies de la peau, comme l'eczéma par exemple. Eh bien, c'est la même chose pour les péchés. Peut-être que quelqu'un va goûter un court plaisir, un plaisir passager, éphémère, mais les péchés vont laisser des séquelles, vont laisser des traces qui vont durer s'il ne se repent pas. Donc aujourd'hui, on va citer certains de ces méfaits dans le but de s'en préserver. On ne va pas les citer juste pour le plaisir de les citer. L'objectif est d'y prendre garde et de s'en écarter. Comme l'a dit Hudayfa ibn al-Yaman, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. Les gens questionnaient le prophète عليه الصلاة والسلام sur le bien. وكنت أسأل عن الشر. Alors que Hudayfa l'interrogeait sur le mal. Pourquoi? مخافة يدركني. Hudayfa avait peur de tomber dans ce mal. Donc il voulait s'en préserver et s'en protéger. La première conséquence des péchés qu'on va voir est الوحشة والظلمة في القلب. C'est-à-dire que celui qui commet des péchés ressent un sentiment de solitude et d'éloignement. Il ressent aussi une noirceur et des ténèbres dans son cœur. Comme on l'a vu dans le hadith précédent, chaque péché entraîne une tache noire sur le cœur. Et il va ressentir une réelle noirceur, comme celle de la nuit. Ibn al-Qayyim a cité qu'il va devenir comme un aveugle qui marche dans la nuit. Un aveugle qui marche dans la nuit peut tomber n'importe où. Eh bien, lui va tomber dans les désobéissances, dans l'injustice, dans les égarements, dans le bidair, dans les innovations. Il va tomber dans tout ce qui cause sa perte. Et il va se sentir seul, délaissé. Et c'est parmi les pires des châtiments. Il se sentait protégé. Mais en désobéissant à Allah Azza wa Jal, il perd tout cela. Il perd cette sérénité et cette sécurité. Il va commencer par s'éloigner de son Seigneur. Car tout comme les actes d'obéissance rapprochent d'Allah, eh bien les mauvaises actions éloignent d'Allah. Puis, il va s'éloigner de certains de ses proches. Il va s'éloigner des gens de bien, de ceux qu'il conseille, et va avoir de mauvaises fréquentations. Ces mauvaises fréquentations, non seulement ne vont pas le conseiller, mais elles vont l'entraîner encore plus fi al-marsiya, dans la désobéissance. Et le prophète, alayhi sallatou wassalam, a comparé les bonnes et les mauvaises fréquentations aux vendeurs de musc et aux forgerons. قال, إنما مثل الجالس الصالح وجالس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. Quand tu es avec quelqu'un qui vend du parfum, soit il t'en donnera, soit tu en achèteras, soit dans tous les cas tu sentiras une bonne odeur en sa compagnie. Et quand tu es avec un forgeron, soit il te brûlera tes vêtements, soit tu sentiras l'odeur du brûlé. Donc il faut faire attention à ces fréquentations. Et plus ce désobéissant va s'écarter d'Allah Azza wa Jal, plus il va ressentir ces ténèbres dans son cœur et cet éloignement. Et cela va se répercuter sur ses proches, même sur sa femme. Il va avoir des rapports conflictuels. Pourquoi ? À cause des péchés. قال بعد السلف إني لعصي الله فأرى ذلك في خلق الدابة ومرأتي. Certains salafs ont dit qu'ils voyaient les traces de leurs péchés sur leur monture et leur femme, c'est-à-dire avec le comportement de leur femme et de leur monture. De nos jours, quand des personnes ont des problèmes avec le comportement de leur femme, de leur mari, de leurs enfants ou autres, il n'y en a pas beaucoup qui vont se dire que cela provient peut-être de leur faute, que c'est à cause de leur propre péché. Illa man rahimahullah. Qui va se remettre en question ? Qui va penser à cela ? Les salafs, eux, reconnaissaient cela. C'est le cas, par exemple, d'Al-Fudayl et également d'Ibn al-Musayyib, qui ont dit qu'ils voyaient les effets de leurs mauvaises actions sur leur monture et leur femme. Il faut donc faire un examen de conscience et se remettre en question et ne pas renier que la cause de ces problèmes peut être ses propres péchés. La deuxième conséquence des péchés est adam et tawfiq. Le désobéissant a un manque de réussite dans sa vie. Parmi ce manque de réussite, on va citer plusieurs points. On va commencer par ta'assur al-umur. Celui qui désobéit à Allah va trouver les choses compliquées. Il va trouver les portes du bien fermées. S'il entreprend quelque chose, ça n'aboutit pas. Il n'a pas de réussite. Par exemple, quelqu'un qui mange de l'argent des intérêts, de riba, et ne sort pas la zakat comme un péché. Car commettre un interdit, comme manger de l'argent des intérêts, est un péché. Mais délaisser une obligation comme la zakat est également un péché. Et ne croyez pas qu'il a gagné ou économisé de l'argent. Cet argent, il va peut-être le perdre dans des choses qu'il n'a pas prévues. Il peut le perdre dans un projet qui ne va pas aboutir, ou dans un accident, dans des amendes, ou des problèmes de justice qui vont lui coûter plein de frais. Contrairement à celui qui craint Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Celui qui craint Allah, Allah lui facilite une issue, une solution à tout problème, à toute difficulté. Wa yarzuqu min haythu la yahtasib. Et il lui accorde des dons et des biens d'où il ne s'y attend pas. Donc, quelle que soit ta situation, même si tu la trouves difficile, fais preuve de taqwa, qui est le fait de faire ce qu'il t'a ordonné et de t'écarter de ses interdits, et Allah te facilitera une solution. Et Allah Azza wa Jal dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا. Quiconque craint Allah, Allah Azza wa Jal lui facilite les choses. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit que celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui accorde meilleur qu'elle. Parmi le manque de réussite, il y a le fait d'être privé de risques, de dons. Tout comme Allah accorde des dons et des bienfaits à celui qui craint Allah, Allah peut te priver de risques si tu as un manque de taqwa. Un manque de crainte d'Allah Azza wa Jal qui se manifeste en commettant des interdits et en délaissant des obligations. Et le risque est quelque chose de général. Tu peux être privé d'argent, de choses matérielles, ou de femmes pieuses, de maris pieux, ou d'enfants. Tout cela fait partie du risque. Donc il se peut, je dis bien il se peut, ce n'est pas forcément toujours le cas, que quelqu'un n'arrive pas à se marier ou à avoir d'enfants à cause de ses péchés. Parmi le manque de réussite, il y a également le fait d'être privé de science. Sachez que la science est une lumière qu'Allah met dans le cœur et il ne faut pas l'éteindre avec la noirceur et les ténèbres des péchés. Lorsque l'imam Shafi'i était jeune, il s'était rendu auprès de l'imam Malik pour étudier, fil Médina, à Médine. L'imam Malik récitait des hadiths. Il avait pour habitude de réciter 40 hadiths avec leur chaîne de transmission, d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel. Et pendant qu'il récitait, il remarqua que Shafi'i s'amusait, car il faisait des gestes bizarres. Et après avoir fini, Malik lui demanda pourquoi il s'amusait. Shafi'i lui dit « Yes, Sayyid, je ne m'amuse pas. J'écris les hadiths avec ma salive, car je n'ai pas d'argent pour acheter de qalam, c'est-à-dire de plumes pour écrire et de feuillets pour noter. » Subhanallah. Shafi'i n'avait pas de quoi acheter de qalam, de plume, et de quoi noter, donc il écrivait les hadiths avec sa propre salive. Malik s'étonna et lui demanda « Si tu dis vrai, récite ne serait-ce qu'un hadith. » Shafi'i s'est alors assis comme l'imam Malik était assis et il récita. Il récita les 40 hadiths avec leur chaîne de transmission. Allahu Akbar. فَهَذَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. C'est parmi les grâces d'Allah Azza wa Jal. L'imam Malik lui dit alors إِنِّي أَرَى اللَّهَ قَدْ أَلْقَى فِي قَلْبِكَ نُورًا فَلَا تُطْفِئْ بِظُلْمَةِ الْمَعَاصِي. Je vois qu'Allah a mis de la lumière dans ton cœur. Prends garde, fais attention à ne pas l'éteindre avec la noirceur des péchés. Et quand l'imam Shafi remarqua qu'il n'avait plus sa mémoire d'auparavant, il se rendit auprès de Wakir, Wakir qui était son shir, pour se plaindre de sa mauvaise mémoire. Il dit, Shekawtu ili Wakir suhifdi, je me suis plaint à Wakir de ma mauvaise mémoire. Fa arshadani ila tark al-ma'asi. Il me conseilla de délaisser les péchés. Wa akhbarani bi anna al-ilm nur. Il m'a informé que la science est une lumière. Wa nurullah la yuhda li'asi. Or, Allah n'accorde pas sa lumière à celui qui lui désobéit. Si l'imam Shafi'i s'est plaint de sa mémoire, que doit-on dire, nous ? Nassallallahu al-afiya wa salama. On se doit donc de craindre Allah Azza wa Jal pour ne pas être privé de cette ni'ma qu'est la science. Parmi le manque de réussite, il y a le fait de ne pas avoir de baraka dans sa vie, dans son temps. Celui qui désobéit à Allah, voit le temps passer, il n'en tire pas de profit, il perd son temps. Pourquoi ? Car la véritable vie est en fonction de ce qu'on passe dans l'obéissance à Allah. Le croyant passe son temps dans le bien, il fait des actes d'adoration, des actes de bien, il apprend, il transmet ce qu'il a appris, il fait ses adhkar, il invoque Allah Azza wa Jal, il aide ses proches, il aide sa famille, il aide les gens, et ainsi de suite. Celui qui désobéit ne profite donc pas de la réelle vie qui est celle passée dans l'obéissance à Allah. Et s'il meurt, quelle trace va-t-il laisser ? Au contraire du croyant. Prenons comme exemple l'imam Nawawi. L'imam Nawawi est mort à 45 ans, mais regardez quel héritage il a laissé à la communauté. Il a laissé entre autres le commentaire de Sahih Muslim, il a laissé Riyad al-Salihin, il a laissé ses célèbres 40 hadiths et d'autres choses profitables également. Et le croyant laissera des œuvres qui perdurent même après sa mort, que ce soit des sadaqas, des aumônes, des sciences profitables ou des enfants pieux qui vont invoquer en sa faveur même après sa mort. Parmi le manque de réussite, citons également Da'f al-Badan. Celui qui désobéit s'affaiblit même dans son corps. Le croyant tire la force de son cœur. Quand son cœur s'affaiblit, alors son corps s'affaiblit. Même si en apparence il a l'air fort et robuste, au moment où il faut être fort, il ne l'est pas. Il est faible. Yakuna kaslan wa ajizan. Il devient paresseux et dans la capacité d'agir. Or, le prophète, alayhi salatu wa salam, demandait protection contre al-kasal wa al-ajiz. Contre la paresse et l'incapacité d'agir. Celui qui désobéit n'arrive pas, par exemple, à prier, il n'arrive pas à jeûner, il n'arrive pas à accomplir d'actes de bien. Et quand tu te repens, Allah Azza wa Jal t'accorde de la force, de la vigueur. C'est pour cela que ceux qui entrent dans l'islam ont une motivation, un élan de foi que tu ne trouves pas chez certains musulmans. Pourquoi ? Car ils se sont repentis du kufr. Ils sont passés des ténèbres de la mécréance à la lumière de l'islam. Et ils veulent apprendre l'islam authentique pour pouvoir l'expliquer à leur famille. Car bien sûr, ce n'est pas dans les médias que tu vas apprendre ta religion. Les médias, bien au contraire, cherchent à salir l'islam et dénaturer l'islam. Donc certains partent pour apprendre, par exemple l'arabe, pour aller étudier les sciences religieuses. Et certains font même la hijra, subhanallah. Ils accomplissent la hijra en se rendant en terre d'islam, malgré la difficulté du choix du pays d'accueil, en prenant en compte les difficultés des papiers, des moyens d'hébergement, sachant qu'ils n'ont pas de famille pour les accueillir, et les difficultés de la langue également. Et pourtant, leur iman, leur foi, leur fait braver tout cela. Parmi les conséquences des péchés, il y a le fait d'être privé d'actes d'obéissance. Ibn al-Qayyim a dit que cette conséquence à elle seule suffit comme malheur. Celui qui choisit le chemin des péchés et des mauvaises actions et qui ne se repent pas, n'est plus motivé à accomplir d'actes d'obéissance, d'adoration. On rapporte qu'un homme est venu dire à Hassan al-Basri qu'il se préparait pour qiyam al-layl, pour prier la nuit, mais qu'il n'arrivait pas à se lever. Hassan al-Basri lui répondit « Ce sont tes péchés qui t'en empêchent. Les mauvaises actions empêchent d'accomplir plusieurs bonnes actions. » Ibn al-Qayyim a cité que celui qui désobéit à Allah est comparable à quelqu'un qui mange un plat qui le rend malade, ce qui va le priver de plusieurs autres plats plus délicieux. Si quelqu'un mange quelque chose qui le rend malade, cette maladie va l'empêcher de manger beaucoup d'autres choses encore meilleures. Eh bien, c'est la même chose pour les péchés. Ils vont fermer la porte à de nombreux actes de bien. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous en préserve. Parmi les effets néfastes des désobéissances, il y a le fait que les péchés entraînent d'autres péchés. Les mauvaises actions causent d'autres mauvaises actions, ce qui va enfoncer de plus en plus la personne. Et il se peut que pour parvenir à son but, quelqu'un commette plusieurs choses interdites, chaque péché entraînant un autre péché, chacun étant lié à une autre transgression. Et il devra aussi, par exemple, mentir pour cacher son péché, pour couvrir son péché. Donc les péchés vont s'accumuler. Également, les péchés vont devenir une habitude. Le pire, c'est que celui qui les commet n'en tire peut-être même pas de plaisir. Certains boivent de l'alcool ou fument sans en tirer de plaisir. Ils sont devenus dépendants alors qu'ils sont en train de ruiner leur santé et dilapider leur argent. Iyadan billah, qu'Allah nous en préserve. Et il faut faire très attention car certains salafs ont dit « La kabira ma istighfar wa la saghira ma israr ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand péché lorsqu'on demande le pardon d'Allah, il n'y a pas de petit péché lorsqu'on persiste à les commettre. On peut commettre un grand péché, puis se repentir sincèrement à Allah et il va nous pardonner. Et on peut persister à commettre un petit péché sans se repentir en le prenant à la légère et sa gravité va augmenter auprès d'Allah. Pourquoi ? Car il n'y a plus cette pudeur, il n'y a plus ce sentiment de culpabilité au moment de le commettre. Il ne faut donc pas sous-estimer les péchés. Il ne faut pas les prendre à la légère et les trouver insignifiants. Bilal ibn Sa'id a dit « La tanzur ila sirar dhanb walakin anzur ila 'azamati man 'asayt ». Bilal ibn Sa'id a dit « Ne regarde pas la petitesse du péché. Ne dis pas c'est un petit péché, il n'est pas grave. Regarde plutôt la grandeur et la majesté de celui à qui tu désobéis. Garde en tête que c'est à Allah Azza wa Jal que tu désobéis. Et Allah Azza wa Jal dit « وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ » Vous le considérez insignifiant alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. Et le prophète alayhi salatu wasalam, a informé qu'une femme était entrée en enfer à cause d'un chat. Elle avait enfermé un chat qu'elle ne nourrissait pas et elle ne le laissait pas non plus sortir pour aller manger les petites bêtes. Et Allah Azza wa Jal l'a châtié pour cela. Que dire de ceux qui privent les gens de nourriture ? De ceux qui imposent des blocus, comme les blocus alimentaires aux gens. Les salafs ne sous-estiment pas leurs péchés. Ils les voient grands, énormes. C'est le cas d'Anas ibn Malik qui a dit « Innakum la ta'maluna a'malan yadaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r. » Vous commettez des actes plus insignifiants à vos yeux qu'un cheveu. C'est-à-dire que pour vous, ces choses ne sont pas graves, ce n'est rien du tout. « Wa in kunna la na'udaha ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min al-mubiqat. » Alors qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wasalam, on les considérait parmi les causes de la perte, de la perdition. Anas a dit ses propos à son époque. Que dire de nos jours ? Par exemple, combien de personnes n'arrêtent pas de jurer sur autre qu'Allah, alors que le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit que celui qui jurait sur autre qu'Allah a mécru ou commis du shirk. Donc c'est très grave. Combien de personnes également coupent les liens de parenté ? En ne parlant pas à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs oncles, à leurs tantes, ou même à leurs parents ou à leurs grands-parents, alors que le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « La yadkhulu al-janna qati'a » Celui qui coupe les liens de parenté n'entre pas au paradis. Et bien d'autres péchés également que les gens commettent. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « Innal mu'min yara dhunuba wa ka'annahu qa'id tahta jabal yakhafu an yaqa' alayhi » Le croyant voit ses péchés comme une montagne prête à lui tomber dessus. Alors que le fajr, c'est-à-dire celui qui désobéit à Allah, le pervers, les voit comme une mouche qui se pose sur son nez. Il lui suffit de faire un petit geste de la main pour les repousser. Pour lui, ses péchés ne sont pas graves, ils sont insignifiants. Donc nous, on se doit de ne pas minimiser la gravité des péchés. Parmi les conséquences des péchés, il y a le fait que par la suite, le cœur ne voit plus la gravité, la laideur et l'infamie de ce péché. Il devient banal. Et il se met à le commettre devant les gens. Peut-être qu'avant il avait honte des gens, mais après non, il ne se cache plus. Par exemple, au départ, quelqu'un se cache pour boire de l'alcool. Mais après, il boit devant les gens, il n'a plus honte d'eux. Quand le cœur meurt, il ne voit plus la laideur des péchés. Et s'il commet les péchés ouvertement, il ne pourra plus prétendre à la clémence d'Allah. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wasalam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Toute la communauté peut prétendre à la clémence et au pardon d'Allah, sauf ceux qui étalent leurs péchés au grand jour, c'est-à-dire ceux qui ne se cachent plus pour commettre les péchés. Pire, certains en sont fiers et s'en vantent. Et on a dit que le cœur devenait noir à cause des péchés, jusqu'à être submergé de noirceur. C'est alors qu'Allah azza wa jal yatba 'ala al-qalb. Allah scelle les cœurs. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. Allah a scellé leur cœur, leur vue et leur ouïe. Et quand les cœurs et la vue deviennent scellés, ils ne distinguent plus le bien du mal. Et quand l'ouïe devient scellée, tu as beau conseiller quelqu'un, il n'entend plus. Il ne profite plus du conseil et du rappel. Parmi les conséquences néfastes des péchés, il y a nuzul al-niqam. Quand les désobéissances sont commises et que les gens ne se repentent pas, Allah envoie son châtiment. قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Tout malheur qui nous touche est dû à ce que nous avons commis. Et Allah pardonne beaucoup. C'est-à-dire que ce qui nous touche n'est qu'une partie de son châtiment. Si Allah nous faisait goûter son châtiment pour tous nos péchés, il ne resterait plus rien sur la surface de la terre, comme l'a cité Ibn al-Qayyim. Et quand la corruption advient sur terre, Allah châtie les gens. Par exemple, Allah a déchaîné une tempête contre le peuple de Ad. Il a châtié le peuple de Lot qui se livrait à l'homosexualité. Et Allah a noyé Pharaon et son peuple à cause de son injustice et de sa tyrannie. Et sachez qu'Allah Azzawajal n'est injuste envers personne, ce sont ses peuples qui se sont fait du tort. Et on le voit également avec les tremblements de terre, avec les inondations, les maladies, les épidémies et autres. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lam tadhar al-fahishatu fi qawmin qat hatta yu'linu biha illa fashafihim al-ta'un wa lawja allati lam takun madat fi aslafihim » Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque les turpitudes comme la fornication, l'homosexualité et autres apparaissent dans un peuple qui se met à les commettre ouvertement, ils sont touchés par des épidémies et des maladies que n'avaient pas connues leurs prédécesseurs. » Et ça, on le voit bien. On le voit avec des maladies comme le sida et dernièrement le coronavirus. Tout cela est dû au péché des gens. Parmi les conséquences des péchés, il y a également le fait que les bienfaits disparaissent. Tout comme les bienfaits viennent avec l'obéissance à Allah, ils disparaissent avec les transgressions. Parmi les effets néfastes des désobéissances, il y a le fait que celui qui commet des péchés ressent un vol, c'est-à-dire une bassesse. Il ressent un malaise, une angoisse. Certains pensent trouver le bonheur dans l'argent, certains pensent trouver le bonheur dans le pouvoir, dans les femmes, dans la célébrité ou autre. Mais même s'ils accèdent à ces choses, ils ressentent toujours un mal-être. Regardez qui est-ce qui se suicide, selon l'Arafia. Tu vois des riches qui se suicident, des stars qui se suicident. Des stars qui ont en apparence tout pour être heureux. Elles ont l'argent, la célébrité, les femmes, la gloire. Et pourtant, elles mettent fin à leur vie. Pourquoi ? Car elles ont cherché le bonheur là où il n'est pas. Sachez que le bonheur, le vrai bonheur réside dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Tu peux posséder certaines de ces choses, mais si tu es dans la désobéissance à Allah, tu ne seras pas heureux. C'est quelque chose qu'a cité Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Ubudiyya, un excellent livre et qui est attesté par la réalité. Certaines stars ont dit que malgré l'argent et la gloire, elles n'étaient pas heureuses et elles ont trouvé le bonheur dans l'islam. Et Ibrahim Ibn Adham a dit « Lo ya'lamu al-muluk wa abna al-muluk ma nahnu fi min al-na'im la jaladuna alayhi bis-suyuf » Si les rois, les empereurs et leurs descendants savaient dans quel ni'ma on est, c'est-à-dire dans quel bienfait on est et dans quelle quiétude on est, nous les croyants, ils nous auraient frappés pour s'en emparer. C'est-à-dire que malgré toute leur richesse, ces rois ne possèdent pas cette richesse de la foi et du contentement que possèdent les croyants. Parmi les conséquences néfastes des péchés, il y a le fait que les gens ne considèrent plus le désobéissant comme avant. Avant, il était respecté, on parlait de lui en bien, on invoquait en sa faveur, mais quand il se plonge dans les péchés, Allah Azza wa Jal ôte cette estime. Il ôte ce respect et il devient connu en mal. Et quand on le cite, les gens disent qu'Allah nous préserve de son mal. Et les gens de bien se mettent à le détester. Voilà, on a donc vu quelques effets néfastes des péchés. Et il faut faire très attention, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, car parfois la personne ne voit pas ses conséquences immédiatement et pense s'en tirer. Elle doit savoir qu'elle les verra un jour ou l'autre si elle ne fait pas tawba. Mais sachez que cela n'est pas irréversible. Walil alham. Les péchés sont nombreux, mais les moyens de se faire pardonner le sont aussi. Il ne faut pas désespérer, car Allah Azza wa Jal a placé des moyens qui expient les fautes. On va en citer certains pour les mettre en pratique. On va commencer par l'islam et le tawhid, qui est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal seul, sans lui donner d'associé. Sachez que le fait d'entrer dans l'islam expie les fautes. La preuve en est ce hadith rapporté par Muslim, « Ama alimta anna l'islam yahdi makana qabla » Ne sais-tu pas que l'islam efface ce qu'il y a auparavant ? C'est-à-dire que l'islam efface les péchés commis auparavant. Et sachez que l'islam est la vraie religion. Une fois qu'on la suit, il faut s'y accrocher fermement jusqu'à la mort et ne pas en faire un effet de mode passagère. Et le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith qudsi, « قال الله تعالى لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة » Allah Azza wa Jal dit, ô enfant d'Adam, si tu viens à moi avec des péchés autant que ce bas monde peut contenir, puis tu me rencontres sans rien m'associer, je viendrai à toi avec autant de pardon. » Et cela fait partie du mérite du tawhid. Il permet d'expier les fautes. Donc si tu veux qu'Allah Azzawajal te pardonne, n'invoque pas autre qu'Allah. N'égorge pas pour autre qu'Allah. Si tu veux qu'Allah Azzawajal te pardonne, ne te rends pas chez les devins, ni chez les sorciers, car ils vont te pousser à commettre du shirk. Ne porte pas non plus un objet pour te protéger, comme une khamsa ou autre. Ne jure pas sur autre qu'Allah, car tout cela s'oppose au tawhid. Le deuxième moyen de se faire pardonner les péchés est tahara, la purification. Sachez que lorsqu'on fait les ablutions, les péchés sortent avec l'eau, comme l'a dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Muslim. Quand le croyant fait ses ablutions et qu'il se lave le visage, il sort avec l'eau toutes les fautes qu'il a commises en regardant avec ses yeux. S'il a regardé des choses illicites, Allah Azza wa Jalla lui pardonne ses péchés. Et quand il se lave les mains, il sort de ses mains avec l'eau toutes les fautes qu'il a commises avec les mains. À la fin du hadith, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, il sort complètement purifié de ses péchés. Sachez également que le dhikr à la fin des ablutions permet d'expier les péchés. Comme dans ce hadith de Omar ibn al-Khattab, rapporté par Muslim, celui qui dit à la fin des ablutions, « Ash'hadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdu wa rasulu », les 8 portes du paradis s'ouvrent à lui et il entre par laquelle il veut. Subhanallah. C'est quelque chose de très simple à apprendre. Tu dis à la fin des ablutions, « Ash'hadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdu wa rasulu ». Il faut en profiter, surtout qu'on fait les ablutions tous les jours. Le troisième moyen permettant de se faire pardonner les péchés est la salat. La salat permet d'expier les péchés, aussi bien les 5 prières quotidiennes que celles du vendredi, et le 6e également, le jeûne. La preuve en est ce hadith où le prophète alayhi salat wa salam a dit « As-salawat al-khams, wal-jumu'a ilal-jumu'a, wa ramadan ilal-ramadan, mukaffirat ma bainahun, idha ijtanab al-kaba'ir ». La salat permet d'expier les fautes commises entre les 5 salats et entre les 2 vendredis. Et le 6e expie les fautes commises entre 2 ramadans à condition de s'écarter des grands péchés. En ce qui concerne les grands péchés, il faut se repentir. Le fait de se rendre à la mosquée pour faire la salat permet également de se faire pardonner. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari que les pas faits en direction de la mosquée permettaient d'élever en degré et de pardonner les fautes. C'est la raison pour laquelle lorsque certains compagnons avaient voulu se rapprocher du mesjid, de la mosquée, le prophète alayhi salatu wasalam les en empêcha. Pourquoi ? Pour qu'ils gagnent la récompense de leur pas. Le dhikr également après la salat permet d'expier les fautes. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, celui qui dit après la salat, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, 33 fois, puis la ilaha illallah wahda wa la sharika la, Allah Azzawajal lui pardonne ses péchés, même s'il en a autant que l'écume de la mer. Donc il faut profiter de tous ces moyens-là. Le quatrième moyen permettant de se faire pardonner les péchés est la zakat et les sadaqas, c'est-à-dire les aumônes. La preuve en est ce hadith où le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Celui qui a accompli la salat, sort la zakat et meurt sans rien associer à Allah, Allah Azzawajal s'engage à lui pardonner ». Il ne faut donc pas négliger la zakat, car c'est un pilier de l'islam. Or, délaisser une obligation est un péché. Il faut donc penser à sortir la zakat. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit que les sadaqa, c'est-à-dire les aumônes, éteignaient les fautes comme l'eau éteint le feu. Le cinquième moyen permettant de se faire pardonner les péchés est la tawbah, le repentir. Allah Azza wa Jalla a ouvert la porte de la tawbah. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit At-ta'ibu min adh-dhanb kamman la dhanba lahu. Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas de péché. Et sachez que le repentir a des conditions qu'il faut respecter. Il faut délaisser le péché, regretter le péché et avoir la ferme intention de ne plus recommencer ce péché. Et si l'injustice concerne quelqu'un d'autre, il faut en plus réparer le tort qui a été commis. Si par exemple de l'argent a été volé, il faut restituer cet argent. Si quelqu'un a menti sur un autre, il faut rétablir la vérité, et ainsi de suite. Et il faut faire très attention, surtout de nos jours, avec Internet et les réseaux sociaux, surtout avec la rapidité de transmission des informations. Autant ces moyens sont propices à la propagation du bien, autant il est facile de se faire du tort et de faire du tort aux gens. Un simple clic suffit. Si on peut être une porte de bien, soyons-le. Mais si on ne le peut pas, alors au moins fermons la porte au mal. N'oublions pas qu'on devra rendre des comptes. Et il ne faut pas repousser le repentir. Si tu le repousses, tu devras en plus te repentir pour avoir retardé ta tauba, comme l'a cité Ibn al-Qayyim. Citons également comme moyen le hajj et la hijra, qui consiste à quitter une terre de mécréance pour se rendre en terre d'islam. C'est une obligation pour celui qui en a la capacité et son mérite est immense. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبلها. Ne sais-tu pas que la hijra efface les péchés commis auparavant et le hajj également. Et de façon générale, il y a l'a'mal as-saliha, c'est-à-dire les œuvres pieuses. Et parfois, ce sont des choses indépendantes de notre volonté, comme les épreuves, les maladies, la pauvreté et autres. Patienter face à ces épreuves permet d'expier les péchés. Il ne faut pas se révolter contre ce qu'Allah Azza wa Jal a prédestiné, contre le qadar. Il faut patienter. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit « Ma yazal al-bala'u bil-mu'min wal-mu'mina fi nafsi wa waladi wa mali hatta yalqa Allah ta'ala wa ma'aliyya khatiyya » Les épreuves ne cessent de toucher les croyants et les croyantes dans leurs personnes, leurs enfants et leurs biens jusqu'à ce qu'ils ne rencontrent Allah sans péché. Donc si par exemple tu es malade et que tu patientes, Allah Azza wa Jal te pardonne de tes péchés. Citons également comme moyen de se faire pardonner la bienfaisance envers les animaux. Allah Azza wa Jal a pardonné à une prostituée des enfants d'Israël pour sa bonté envers un chien. Elle avait vu un chien assoiffé et elle lui a donné de l'eau et Allah Azza wa Jal lui a pardonné ses péchés. Que dire de ceux qui sont bienfaisants envers les orphelins, les pauvres et autres? Il y a des choses très simples, comme enlever du chemin ce qui gêne les gens. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim qu'un homme avait ôté une branche d'épine de la route et Allah Azza wa Jal lui pardonna ses péchés. C'est parmi les faveurs d'Allah. Il te pardonne avec des choses très simples. Il faut donc en profiter. Sachez également que le fait de louer Allah après le repas permet d'expier les fautes. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Celui qui dit après avoir mangé « Alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqani min ghayri hawlin minni wa la quwwa » Allah Azza wa Jal lui pardonne ses péchés. Subhanallah. Le fait de manger est déjà une ni'ma en soi. C'est un bienfait. Et en plus, si tu loues Allah à la fin de ce bienfait, Allah t'accorde un autre bienfait. Allah te pardonne tes péchés. Sachez également que le fait de se passer le salam permet d'expier les fautes. La preuve en est ce hadith où le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Inna min mujibat al-maghfira bidhl salam ». Même le fait de se serrer la main permet d'expier les péchés, comme rapporté dans ce hadith d'Abu Daoud, quand deux musulmans se rencontrent et se serrent la main, Allah les absout de leurs péchés avant qu'ils ne se quittent. Pour conclure, on a vu en première partie les conséquences des péchés et en seconde partie des moyens permettant de nous faire pardonner. Et sachez qu'il y en a bien d'autres, comme par exemple le rappel et les invocations. Mais il faut faire attention, car les preuves qu'on a citées ne concernent pas l'injustice causée aux gens. Le tort qui a été causé aux gens doit être réparé dans ce bas monde. Sinon, le jour du jugement, ils prendront de tes hasanettes. Et si tu n'as plus de hasanettes, tu devras porter de leurs péchés. Et enfin, on a Kafarat al-Majlis, l'expiation des péchés de l'Assemblée, par laquelle nous terminerons en espérant le pardon d'Allah Azza wa Jal. Celui qui dit cette invocation à la fin d'une assise, d'une discussion, Allah lui pardonne ses péchés pendant cette assise. Celle-ci est « Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. فنسأل الله ينفعنا بما سمعنا ونسأل الله يغفر لنا ويتوب علينا إنه غفور رحيم والحمد لله رب العالمين